Alors je demanderai à cet inconnu qui vient à ma rencontre. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Comment ça va, dis-moi? Où vas-tu? Que tiens-tu pour le meilleur au monde? Et que tiens-tu pour le pire? Qu'en penses-tu? Pourquoi vivons-nous? As-tu déjà songé, toi aussi, au bonheur? Sais-tu ce que c'est? L'inconnu te regarde. Voilà ce qui est écrit. Ses lèvres tressaillent et il explique quelque chose avec les mains. Montre du doigt ses oreilles, il ne peut parler et n'entend pas ce qu'on lui dit. Il est devenu sourd et muet, ici-bas, sur terre. Mais il voit et regarde, et ses deux yeux sont dans mes deux yeux, et dans les siens une âme et une pensée habitent. Je m'en vais ? Je préfère marcher seul. Je n'ai rien à voir avec lui. Je le dévisage. Il n'a pas de mots et pourtant il veut me parler. Il fait des efforts. Et moi, si j'ai des mots, comment se fait-il que je ne parvienne pas à lui parler? Que je sois plus misérable que lui? Que je ne le comprenne pas? Je le comprendrai. Je lui ferai des signes. Comme si j'étais également muet, et nous pourrons nous comprendre, comme s'il pouvait également parler. J'entends son soupir, parce qu'il est comme mon propre soupir, tant il est fragile et intelligible, tant il est lisible, tant il est familier et miraculeux.